Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour d'une question. Que fait la police, qui avait été diffusée en septembre 2016. Aujourd'hui, dernier temps, une question soulevée par le philosophe Blaise Pascal. La force peut-elle être juste? Je sais que vous tenez à l'utilisation du milieu, à vos indicateurs. C'est dépassé, le gain. Vous savez, on peut maintenant faire la police par des moyens plus modernes et tout de même plus élégants. Vous dirigez la brigade centrale de documentation et de recherche criminelle. Ne l'oubliez pas, c'est un nouveau nom, d'accord, mais ça doit aussi être un nouveau style. Oh, vous savez, vous pourrez nous baptiser comme vous voudrez, on sera toujours des poulets. On fait pas un métier très élégant, on le sait. On le lit tous les jours dans la presse. On nous méprise, on nous engueule, c'est la mode. Ceci dit, quand on a besoin de nous, on est bien content de nous trouver. Il faut que la police cesse d'être impopulaire. C'est pour ça que je veux changer les méthodes. La justice sans la force est impuissante. Qui imaginerait un policier en opération sans armes? Mais la force sans la justice est tyrannique. Qui imaginerait qu'aucune loi ne vienne encadrer la violence exercée par un policier? Alors que fait la police? C'est la question que nous nous posons cette semaine. Eh bien, que fait la police quand elle agit au nom de l'ordre et se justifie au nom de l'État? Le philosophe Blaise Pascal a beaucoup à nous apprendre sur la police, et pas seulement parce qu'il a été directement interpellé par des agents, vous le verrez. C'est le professeur de littérature française du XVIIe siècle, Laurent Thirouin, qui est avec nous pour en parler ce matin. Je n'ai rien de personnel contre vous, Callahan. Mais je tiens à éviter que le public hurle contre les brutalités policières chaque fois que vous êtes dans les rues. Et jamais je n'ai sorti mon arme de son étui, pas une seule fois. Je suis fier de le dire. Vous êtes un homme sage, lieutenant. L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes. De quoi est-ce qu'il parle? Il parie probablement sur le temps que tu resteras en vie en étant mon second. Oh, vous plaisantez? Pas du tout. Combien de temps a duré votre dernier second? 15 petits jours. Mais rassure-toi, il est encore vivant. Justice. Force. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Aussi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. La phrase de Pascal que l'on vient d'entendre, Laurent Thirouin, dans ce texte interprété par Didier Sandre, « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique », n'a pas été écrite directement en lien avec la police, mais elle s'y applique remarquablement bien. Oui, elle parle des abus de pouvoir, des abus policiers. Elle est écrite par quelqu'un qui semble ici s'en faire une raison assez facilement, en disant que on a fait que ce qui était fort fût juste. Phrase difficile à comprendre. Ça veut dire que, dorénavant, la raison du plus fort est vraiment devenue la meilleure. C'est une bonne raison. Ce qui, d'ailleurs, dans la fable de La Fontaine, dans la fable du loup et l'agneau, reste une phrase assez troublante. Car dire que la raison du plus fort est la meilleure, c'est dire qu'elle a véritablement la raison pour elle. Donc, est-ce que c'est ce que Pascal veut nous dire ici? Partiellement, oui. Et ça pourrait même être très choquant si on ne savait pas par ailleurs que Pascal a eu affaire à la police et a été pris dans un certain nombre de conflits pour lesquels il a payé de sa personne et dont on peut dire qu'il a été victime. Alors ça, on y viendra, on racontera effectivement cet épisode qu'on ne connaît pas forcément même quand on a lu Pascal, hein, et donc qui montre que malgré les réflexions qu'il peut avoir sur la justice et sur la force et sur la tyrannie, eh bien lui-même a été confronté à la police, qui parfois peut être contradictoire avec ce qu'il écrit. Mais si on s'arrête sur ce texte un instant, ce qui est fascinant quand on s'intéresse à Pascal du point de vue de la justice et de la force, c'est que celui-ci pointe l'arbitraire de la justice. Les lois n'ont pas d'autre fondement que la tradition. Elles sont arbitraires. Et pourtant, il en appelle à un respect inconditionnel de cette loi. Oui. C'est une réflexion qui, en fait, est très technique. Je crois que si on veut comprendre la logique de Pascal, il faut accepter qu'il se place dans une perspective technique. C'est l'opposition qu'il fait entre les qualités spirituelles et les qualités palpables. Pour lui, une qualité, du fait qu'elle est palpable, n'est pas du tout supérieure à une qualité spirituelle. Il aurait même tendance à penser le contraire, que la justice vaut plus que la force. Palpable, c'est donc la force, par exemple. Alors, la force est palpable. Qu'est-ce qu'il entend par palpable ? Ben, concrète, objectivable. On peut savoir si quelqu'un est fort ou non, et entre deux personnes fortes, on peut savoir qui est le plus fort. Il suffit de les mettre face à face, et le plus fort s'imposera. Donc, il n'y a pas de doute concernant la force, parce que le doute peut toujours être réglé de façon factuelle, de façon objective. Alors que, dans les qualités spirituelles, pour ce que sont les qualités spirituelles, entre autres la justice, il est toujours possible de tricher. On peut mentir, on peut dire que... c'est ce que Pascal, dans sa langue du XVIIe, appelle être sujet à dispute. Hein, la force est très reconnaissable, elle est sans dispute, et la justice, elle, on peut en discuter. Alors ça ne veut pas dire que la justice soit moindre que la force, mais ça fait partie de son identité de ne pas pouvoir s'imposer d'elle-même. Et voilà, quand quelqu'un est juste, il trouvera toujours quelqu'un d'autre qui lui dira « tu n'es pas juste ». Et ça n'empêchera pas le premier d'être juste. Mais surtout, ce que Pascal dit dans ce texte, c'est que toute justice peut s'indexer sur une force. C'est-à-dire que la force est à l'origine de la justice. Voilà, à partir de là... Donc il n'y a pas vraiment de distinction. Donc dès lors, est-ce que ça veut dire que tout exercice de la force, si on prend le cas des policiers justement, puisque c'est le sujet de cette semaine, est-ce que l'exercice de la force par un policier est forcément juste, dès lors que de toute façon pour Pascal, la force est à l'origine de la justice? Oui, à condition de rajouter un élément précédemment. Dès lors que la justice ne peut plus se faire connaître d'une manière intrinsèque et incontestable, il est nécessaire de lui donner une autre définition, de lui donner une autre existence. Et là, on est entièrement d'accord, cette nouvelle existence, ça sera celle qui se confond avec la force. Quand Pascal dit « on a fait que ce qui est fort ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. » Alors, il y a véritablement là une confusion pour lui totale, fondée entre la force et la justice. Il peut dire en un autre lieu, il peut tenir cette phrase qui nous paraît inouïe, l'épée donne un véritable droit. Le droit de l'épée, c'est vraiment un droit. Et celui qui vient vous voir en vous disant « tu fais ça parce que sinon je te passe au fil de l'épée », n'est pas en train de commettre un abus de pouvoir, il est en train d'exercer un véritable droit, qui est le droit de l'épée. Et ça, Pascal ne le conteste pas. Non, il ne conteste pas, et il pense même que ceux qui le contestent sont des gens dangereux, sont des gens dont il faut avoir raison, jouent ce qu'il appelle à un autre endroit le jeu sûr pour tout perdre. Sont en fait des agents objectifs du malheur des peuples. Ce qu'il explique dans son grand texte sur l'origine des lois. Ceux qui s'amusent à fronder les lois, à fronder les États, jouent, dit Pascal, un jeu sûr pour tout perdre. De sorte que Pascal nous propose une position assez difficile à tenir. D'un côté, nous faire prendre conscience du caractère violent de la justice elle-même, qui a pour source la force, et de l'autre, un appel ou une invitation ou un encouragement à respecter ces lois malgré cette violence. Donc une forme de conservatisme extrêmement lucide. Oui. C'est sûr, mais aussi décourageant. Oui. Peut-être qu'une comparaison, une sorte de métaphore qui est éclairante, que j'avais prise il y a assez longtemps, c'est celle des règles de jeu. Et que les règles de jeu sont absolument impossibles à contester, car dès lors qu'on les contesterait, le jeu disparaît. Et en même temps, elles ne sont fondées en rien. Il n'y a pas la moindre validité par elle-même. Le déplacement d'une pièce d'échecs est purement conventionnel. Mais dès que vous arrêtez de faire mouvoir un fou en diagonale, vous ne jouez plus aux échecs, vous avez détruit le jeu d'échecs. Donc pour lui, je crois que c'est à peu près comme ça que sont les règles non fondées et incontestables. Et d'autant plus incontestables qu'elles ne sont pas fondées. Elles sont indiscutables parce qu'il n'y a rien en elles de participation d'une vraie justice. Avant d'aller plus loin, Laurent Thiron, il nous faut dès à présent préciser que pour Pascal, tout ce que nous sommes en train de dire s'inscrit dans une grille de lecture, dans une pensée, au sens large du terme, qu'il exprime à travers des pensées, qui repose sur trois ordres. Et que finalement, toute la pensée de la force et de la qui donne lieu à la justice ne peut pas être comprise sans la distinction de ces trois ordres, l'ordre du corps, l'ordre de l'esprit, l'ordre, disons, divin, qui fait que il y a une justice immanente à chaque ordre et que ce qu'on pourrait appeler l'abus de pouvoir ou la tyrannie ne survient que lorsque la force inhérente à un ordre vient s'imposer à un autre ordre. Ça, c'est l'essentiel, hein. C'est la clé, comme assez souvent chez Pascal, de ces développements. Et c'est la source d'une définition bizarre pour nous de la tyrannie. Donc il y a comme ça un certain nombre de termes qu'on aime à présenter avec, à côté, entre parenthèses, au sens pascalien du terme. Donc la tyrannie, il faut vraiment mettre des guillemets quand on l'entend dans la bouche de Pascal, car ça ne veut pas dire un abus de pouvoir, enfin au sens de quelqu'un qui viendrait s'en prendre à votre liberté, ou je sors. Si je sors de la maison de la radio tout à l'heure et que brusquement un policier vient m'attraper et m'emmène en prison, moi je pourrais crier à la tyrannie, Pascal ne le ferait jamais. Pourquoi ? Parce que le policier reste dans son droit ? Parce que le policier a la force, suis pas capable de lui résister, et donc il exerce sa force en me privant de ma liberté. En cela, il n'y a rien de choquant. Où il me prend d'un seul coup, je sais pas, ma sacoche avec toutes mes affaires. Je dirais pas de chance pour moi, je me suis fait voler ma sacoche et toutes mes affaires. Il y a quelque chose de très désagréable, mais il n'y aurait pas d'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre, dans l'ordre de la force, dans l'ordre du corps. Et sauf si moi-même je suis mieux armé que le policier et que je suis capable de résister et de garder ma sacoche, ce qui n'est pas le cas, je suis forcé de la perdre. Mais il n'y a pas tyrannie, il y a exercice d'une force au détriment d'une moindre force. Et à l'inverse, alors quand est-ce que serait la tyrannie ? Ouais. C'est si le même policier vient m'amener en prison en me disant « Je vous libère si vous me dites que Pascal est un philosophe inintéressant. » Voilà. Il me met à demander une position d'ordre intellectuel, car là, il passe d'un ordre à un autre ordre. Il est en train de passer outre la frontière, et donc obtenir dans un ordre un pouvoir que l'on détient dans un autre ordre, c'est là ce que Pascal appelle la tyrannie. Le tir tendu de grenades lacrymogènes est prohibé par nos instructions. Oui. Frapper un manifestant à terre et sans défense, c'est se déshonorer soi-même. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes là pour faire respecter l'ordre républicain. Nous ne sommes pas là pour tuer, mais pour servir la République, sa justice, ses lois, sa morale. Certains ont joué avec la police. Quand on est responsable, on ne dit pas « Allez-y, foncez, je vous couvre » pour s'étonner ensuite des dégâts. S'étonner que certains collègues aient pris ces encouragements intempestifs aux mots. Notre métier est suffisamment difficile, dangereux, pour que les hommes politiques n'y rajoutent pas leurs petites phrases démagogiques. On ne gouverne pas la police comme une campagne électorale. La tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors de son ordre. Diverses chambres de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun règne chez soi, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. Et le fort et le beau se battent sottement à qui sera le maître l'un de l'autre, car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas, et leur faute est de vouloir régner partout. Rien ne le peut, non pas même la force. Elle ne fait rien au royaume des savants. Elle n'est maîtresse que des actions extérieures. Tyrannie. La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. On rend différents devoirs aux différents mérites. Devoir d'amour à l'agrément, devoir de crainte à la force, devoir de créance à la science. On doit rendre ces devoirs-là. On est injuste de les refuser et injuste d'en demander d'autres. Ainsi, ces discours sont faux et tyranniques. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. Je suis... Et c'est de même être faux et tyrannique de dire « Il n'est pas fort, donc je ne l'estimerai pas. Il n'est pas habile, donc je ne le craindrai pas. » Lorsque Bernard Delplace, qui était le secrétaire général de la Fédération autonome des syndicats de police, prend la parole après la mort de Malik Ouskine, c'était le 6 décembre 1986 à Paris, suite à une manifestation étudiante qui avait mal tourné, c'est le moins qu'on puisse dire, pour dire que, premièrement, la police n'a pas pour vocation de tuer, que c'est déshonorant pour elle que de conduire à la mort d'un citoyen, mais que, deuxièmement, elle n'a fait qu'obéir à des ordres dictés, commandés par l'État, et qu'en cela, elle se sentait instrumentalisée par l'État, est-ce qu'elle dénonce une tyrannie? Parce que, à proprement parler, dans la logique pascalienne, énoncée dans le texte que l'on vient d'entendre, c'est le même ordre, finalement, dans la mesure où la police dépend de l'État, Laurent Tirouin. Oui. Pour Pascal, en tout cas, aussi choquant que cela puisse sembler à nous, ça n'est pas une tyrannie. Et vous avez noté dans le texte que l'on vient d'entendre, qu'il est dit que la force est maîtresse des actions extérieures, mais elle n'est maîtresse que des actions extérieures et qu'il est injuste de le refuser et injuste d'en demander d'autres. Donc il y a deux injustices qui sont dénoncées quand même. La justice n'est pas absente de ce texte, mais elle est étrangement répartie. Donc il est injuste de ne pas vouloir obéir à la force sous prétexte qu'elle n'est que la force, car la force obtient notre obéissance de par son statut de force, mais il est injuste de demander à la force d'autres qualités qui justifieraient notre obéissance. Mais en fait, c'est la justice qui n'a plus aucun sens ici, si elle devient synonyme de force. Il était injuste de ne pas obéir à la force. Au nom de quelle justice est-il injuste de ne pas obéir à la force? Au nom de la loi du plus fort. La loi du plus fort. Mais c'est pas la justice, du coup. On revient à cette formule, l'épée donne un véritable droit. Alors pourquoi Pascal? Peut-être qu'il faudrait remonter un petit peu dans son histoire et dans ses objectifs, car bon là, on ne voit que ce qu'il y a de révoltant dans ces formules. Alors il y a derrière un certain nombre de convictions, pas toujours très très élaborées. Donc la première de toutes, c'est que les guerres civiles sont le mal le pire. Donc Pascal sait de quoi il parle. Il a vécu une guerre qui nous paraît assez dérisoire, mais qui, je pense, à l'époque a été perçue comme un grand ébranlement, c'est la Fronde. Donc Pascal, au moment de la Fronde, avait une grosse vingtaine d'années. Sa sœur raconte qu'il résistait à tout le monde lors des troubles de Paris, dit-elle dans la vie qu'elle écrit de son frère. Donc pour lui, obéir à l'ordre établi, c'est obtenir l'essentiel qui est le désordre, qui est de lutter contre le désordre, d'empêcher le désordre. Et le désordre veut dire encore plus de malheur. Et je crois qu'il y a aussi derrière, de façon peut-être un petit peu moins factuelle, il y a cette anthropologie alors propre aux Augustiniens. C'est un disciple de Saint-Augustin, c'est un chrétien conséquent. Donc il y a cette conviction qu'au fond de l'homme, au fond de chaque homme, il y a de l'amour propre, il y a du désir de destruction de son voisin, et que le premier devoir, c'est de lutter contre cette pulsion destructrice. Et donc que la force, quels que soient les motifs sur lesquels elle s'appuie, obtient au moins ça, d'éviter le massacre de tous par tous. Oui, parce que sans cette anthropologie, Pascal ne serait pas tellement différent d'une pensée comme celle de Hobbes, par exemple, qui lui aussi a pour seule fin de maintenir la paix dans la société, quels que soient les moyens employés. Voilà. Et donc, ce qui est très, très spécifique à Pascal, alors, il rejoint pas mal de penseurs de son temps, qui sont sensibles aux mêmes raisons, mais ce qu'il a de spécifique, c'est que lui reste en permanence convaincu de l'invalidité de cet ordre dont il a décidé de prendre la défense. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit à la fois que l'ordre doit primer sur tout, la force est légitime du simple fait qu'elle est la force, et en même temps, il lui dénie toute participation aux deux autres ordres. aux ordres des esprits et aux ordres et à l'ordre des esprits et à l'ordre de la charité. Donc, ce qui explique, chose étrange pour nous, qu'une personne aussi conservatrice, aussi respectueuse de l'ordre en place, était en permanence persécutée par l'ordre en place. Qui aurait dû penser que si au moins il y avait quelqu'un qui n'était pas dangereux, c'était bien Blaise Pascal et ses amis. Or, toute l'existence de Pascal a été une lutte contre la police, contre le pouvoir, une espèce de ruse permanente avec l'ordre en place. Ce qui est étrange compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer comme maxime. Que peut-il bien se passer qui puisse intéresser journalistes c'est curieux, touche à tous et justicieux, à vouloir fourrer leur nez dans les faits diversifiés, ferait mieux de travailler à chacun son métier. Je ne suis qu'un pauvre policier, il a crié, je l'ai cogné, je ne voulais pas lui faire de mal, on fait le boulot, un point, c'est mal. Pas facile d'administrer un commissariat de quartier, ces putains de contraventions, cette putain de circulation, et ces cartes d'identité, et les passeports pour les drogués, s'occuper des prostituées et protéger les députés. Je ne suis qu'un pauvre policier, il a crié, je l'ai cogné, je ne voulais pas lui faire de mal, on fait le boulot, un point, c'est mal. La mauvaise foi du policier interprété par Alain Bert. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h23 et c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à la police. Que fait la police ? Et aujourd'hui, c'est une question à laquelle nous essayons de répondre à travers le prisme pascalien des pensées de Blaise Pascal en compagnie de Laurent Thirouin, à qui l'on doit notamment une édition établie et présentée donc par vos soins, Laurent Thirouin, Pensée sur la justice, qu'on trouve aux éditions de La Découverte. Je ne suis qu'un pauvre policier, il n'a peut-être pas crié, je ne voulais pas lui faire de mal, on fait le boulot, un point, c'est mal. Je vous plains, mes pères, d'avoir recours à de tels remèdes. Les injures que vous me dites n'éclairciront pas nos différends. Et les menaces que vous me faites en tant de façons ne m'empêcheront pas de me défendre. Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Qu'on ne prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales, car il y a cette extrême différence que la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu, qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque, au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. À qui s'adresse Pascal Laurent Thirouin dans cette fin de la 12e lettre que l'on appelle les provinciales, ce texte magnifique? Oui, il s'adresse globalement au révérend père jésuite. Donc après, pendant une dizaine de lettres, après avoir bâti la fiction d'une correspondance entre un Parisien intelligent mais un peu perdu et un provincial totalement loin des informations, à partir de la 11e lettre, Pascal s'adresse directement à ses oppresseurs, à ceux qui ont le pouvoir, en tout cas qui ont l'oreille du roi, au père jésuite. Alors rappelons le contexte. Alors le contexte, on est dans les années 1650, en 1656, un théologien, qui est le grand homme de Port-Royal, Antoine Arnauld, est en train de se faire expulser de la faculté de théologie de la Sorbonne. Donc là, on est très exactement dans ce que Pascal appellera plus tard une tyrannie. C'est-à-dire quelqu'un qui défend des positions théologiques particulières, hein, qui sont les positions théologiques qui, pour lui, sont fidèles à Saint-Augustin, subit une sorte de contrainte policière, très exactement policière. C'est-à-dire qu'il y a des assemblées de Sorbonne pour être sûr que le vote se passera conformément à ce que souhaite le pouvoir, où il y a des représentants de l'ordre qui sont là pour être bien sûr qu'on votera comme il faut. Donc on assiste à une véritable tyrannie qui est l'effort du pouvoir pour en finir avec ce qu'il perçoit comme une espèce de d'hétérodoxie dangereuse pour lui. Alors, nous, ça peut nous surprendre un petit peu que les questions de la grâce, le molinisme, l'augustinisme puissent susciter comme ça des déploiements policiers. Bon, mais chaque époque a ce qui lui importe. On pourrait très facilement imaginer des questions du même ordre. On pourrait parler de diverses choses. Enfin, l'été a été plein aussi de débats qui pourraient paraître à d'autres périodes surprenants. Alors, je veux pas du tout dire que c'est un faux débat, mais il faut bien comprendre que le pouvoir le perçoit comme un débat dangereux et cherche à le régler. Et donc Pascal, à ce moment-là, écrit ses petites lettres provinciales, puisqu'il s'est rendu compte que toutes les explications intelligentes, les traités, tout ce que faisait Antoine Arnauld ne servaient à rien, personne ne les lisait, et de toute façon, ça n'empêchait pas du tout la police de faire son travail. Et ça n'a pas du tout empêché Arnauld d'être révoqué de son poste de docteur à la Sorbonne. Donc Pascal écrit des petites lettres qu'il adresse. Pas des petites lettres. Alors petites, on les appelait les petites lettres. Ouais. Elles sont relativement petites en fait. Elles sont petites par rapport à ce que faisaient ses amis, qui étaient des livres de 100 ou 400 pages. Donc elles font toutes à peu près. Elles tiennent toutes dans un petit cahier. Elles font 4-6 pages. Ça dépend des éditions. Il les lance dans le public. Pour expliquer l'abus de pouvoir, ce qui pour lui est un abus de pouvoir, et ses lettres irritent d'une façon ahurissante le pouvoir, qui se rend compte qu'il a affaire à un adversaire nouveau, on ne sait pas qui les écrit, elles sont anonymes, et on assiste vraiment à une sorte de samizdat, de littérature clandestine. Donc les lettres sont tirées clandestinement, la police essaye de les arrêter, il y a des descentes de police chez les imprimeurs. Plus on lutte contre les lettres, plus elles ont évidemment de succès. Ceux-là même qui cherchent à les arrêter sont les premiers à vouloir s'en procurer parce qu'ils ont très envie de savoir ce qu'elles vont raconter. Et donc Pascal est pris là très exactement dans un conflit. C'est le début de sa carrière littéraire. On peut dire qu'avant les provinciales, il n'avait rien écrit. Voilà, ces lettres aujourd'hui, on les connaît sous le nom des provinciales. Oui, on les connaît comme les provinciales parce que les premières sont censément écrite par un Parisien à un ami de province qui demande « Mais qu'est-ce qui se passe dans la capitale? On n'y comprend rien. Qu'est-ce que sont ces conflits ?» Voilà. Donc Pascal qui écrit quand même, qui met un point d'honneur à bien montrer l'impuissance qu'il y a à se révolter contre le caractère arbitraire de la justice, est quand même le premier à prendre la plume pour dénoncer une injustice à laquelle il assiste. Donc il va se produire quelque chose d'encore pire que la révocation d'Arnauld à la fin de la campagne provinciale. C'est ce que les historiens du jansénisme connaissent bien comme étant la signature du formulaire. Il y a que le pouvoir poussé par les jésuites impose à toutes les personnes qui ont des responsabilités pastorales ou éducatives de signer un formulaire comme quoi 5 propositions théologiques sont bel et bien présentes dans un livre. Voilà, c'est-à-dire que le pouvoir, comme il a toujours tendance à faire, et je crois que de ce point de vue-là, celui qui est aujourd'hui notre pouvoir ne se comporte absolument pas différemment, c'est-à-dire que simplement c'est pas pour les mêmes choses, mais il nous dit « vous direz telle chose, ou sinon vous tomberez sous le coup de la loi ». Alors là, on est en pleine tyrannie. Là, on est en pleine tyrannie. On est en pleine tyrannie, car il y a une confusion entre deux ordres. Le pouvoir politique s'immisce dans un ordre qui est religieux, pour le coup. Arrêtez Arnauld. Il n'a pas été arrêté. Il avait fui dans la clandestinité pour faire les provinciales, comme Pascal. Arrêté Savreux, qui est un libraire de Port-Royal, qui est arrêté, transféré de l'officialité au Châtelet avec ses deux garçons, nous dit un document de l'époque. Donc on arrête un libraire. Oui, c'est de l'arrêter, ça n'est pas une tyrannie, mais d'utiliser le pouvoir policier pour empêcher des idées de circuler, ça c'est de la tyrannie. Est-ce qu'on peut dire alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire dire à Pascal que, en toute rigueur, si la politique appartient à un ordre et la religion à un autre, alors il faut vraiment séparer les deux et qu'il peut penser les fondements d'une forme de laïcité ? Ce qui paraît complètement contradictoire avec la position de Pascal. Pas tout à fait. D'abord, comme on le répète régulièrement en ce moment, le terme de laïcité vient quand même du christianisme. La notion de laïque est une notion religieuse, dans un premier temps. Puis, il y a aussi une phrase qui est très très troublante, qui est une phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui est toujours citée au XVIIe siècle, tout pouvoir vient de Dieu. Nulla potestas nisi ad eo, il n'est de pouvoir que venant de Dieu. Cette phrase est très souvent mal interprétée et on la présente comme un désir d'avoir une maîtrise du religieux sur le politique. Mais ça veut dire exactement le contraire. Ça veut dire que dès lors qu'un pouvoir est un pouvoir, il a ipso facto une espèce de fondement divin. Du simple fait que, quand on est absolument convaincu, ce qui est le cas de tout chrétien, que l'ordre du monde est soumis à Dieu, eh bien... Même les persécuteurs, même Dioclétien, même tous les gens qui s'opposent à l'Église, ne sont en place que par Dieu l'a bien voulu, que parce que Dieu l'a bien voulu. Donc, il n'y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu. À partir de là, religieusement parlant, le pouvoir en tant que pouvoir est validé. Par contre, il est susceptible en permanence de s'échapper du cadre de l'ordre dans lequel il est, et de chercher deux choses, parce qu'en fait, il aurait deux façons de sortir de son ordre. L'histoire des provinciales, celle que je commençais à raconter, c'est plus intellectuel. C'est imposer des analyses théologiques qui ne sont pas de son ressort. Puis, il est peut-être aussi, alors quelque chose qui n'est pas développé par Pascal, mais qu'on peut développer à partir de sa notion de tyrannie, il est tyrannique quand il veut se faire aimer. Un pouvoir qui cherche à être aimé est un pouvoir tyrannique. Il n'a pas à être aimé. La force doit être crainte. Mais elle n'est pas aimable. Quelqu'un qui dit « je suis fort, donc aimez-moi » est en pleine tyrannie. D'une certaine façon, il n'y a pas plus tyrannique, au sens pascalien du terme, que toute la communication, tout ce qui est fait... La démagogie. À un moment, Pascal a une formule alors qui ne semble pas être du tout liée à notre sujet, mais qui est très très bizarre. Il parle d'une éloquence qui persuade par douceur. Et il l'appelle, faudrait que je retrouve, voilà, je l'ai là, éloquence qui persuade par douceur, non par empire, en tyran, non en roi. Donc, persuader par douceur, c'est tyrannique. C'est là où Pascal parfois semble à des échos étrangement machiavéliens. Je vous propose qu'on écoute un texte tout de suite justement qui va dans ce sens. C'est un extrait du troisième discours sur la condition d'écran, interprété par Jean-Louis Jacopin. Dieu est environné de gens pleins de charité qui lui demandent les biens de la charité qui sont en sa puissance. Ainsi, il est proprement le roi de la charité. Vous êtes de même environné d'un petit nombre de personnes sur qui vous régnez en votre manière. Ces gens sont pleins de concupiscence. Ils vous demandent les biens de la concupiscence. C'est la concupiscence qui les attache à vous. Vous êtes donc proprement un roi de concupiscence. Votre royaume est de peu d'étendue, mais vous êtes égal en cela au plus grand roi de la terre. Ils sont comme vous des rois de concupiscence. C'est la concupiscence qui fait leur force, c'est-à-dire la possession des choses que la cupidité des hommes désire. Mais en connaissant votre condition naturelle, usez des moyens qu'elle vous donne et ne prétendez pas régner par une autre voie que par celle qui vous fait roi. Ce n'est point votre force et votre puissance naturelle qui vous assujettit toutes ces personnes. Ne prétendez donc point les dominer par la force, ni les traiter avec dureté. Contentez leurs justes désirs, soulagez leurs nécessités, mettez votre plaisir à être bienfaisant, avancez-les autant que vous le pourrez, et vous agirez en vrai roi de concupiscence. Ce que je vous dis ne va pas bien loin, et si vous en demeurez là, vous ne laisserez pas de vous perdre. Mais au moins vous vous perdrez en honnête homme. Il y a des gens qui se damnent si sottement par l'avarice, par la brutalité, par les débauches, par la violence, par les emportements, par les blasphèmes. Le moyen que je vous ouvre est sans doute plus honnête, mais en vérité c'est toujours une grande folie que de se damner, et c'est pourquoi il n'en faut pas demeurer là. Il faut mépriser la concupiscence et son royaume et aspirer à ce royaume de charité où tous les sujets ne respirent que la charité et ne désirent que les biens de la charité. D'autres que moi vous en diront le chemin. Il me suffit de vous avoir détourné de ces vies brutales où je vois que plusieurs personnes de votre condition se laissent emporter, faute de bien connaître l'état véritable de cette condition. On est au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, Laurent Thirouin, et dans lequel d'ailleurs la police est un prétexte pour réfléchir à ces rapports épineux entre la justice et la force. Je rappelle la phrase, la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Et dans ce texte, la Pascal applique ses réflexions de manière très pragmatique en conseillant le duc de Chevreuse, en lui expliquant comment ne pas être un roi de concupiscence, en avançant finalement deux arguments. Le premier, c'est voilà, vous serez un roi, vous êtes un roi de concupiscence, assumez-le, en gros. C'est-à-dire, voilà, c'est votre condition pour pouvoir exercer le pouvoir qui vous revient. Il faut connaître l'ordre dans lequel il s'inscrit. Mais de l'autre, le deuxième argument consiste à dire, mais n'oubliez pas que vous n'êtes jamais qu'un duc, en l'occurrence, et non pas un roi, et que vous avez tout intérêt à vous, à prétendre, à atteindre une forme d'honnêteté. Et c'est là où on voit qu'il y a toujours une tension vers un autre ordre que celui de l'exercice du pouvoir. Ouais. Donc ce texte est écrit à l'intention d'un jeune homme d'une quinzaine d'années, qui deviendra duc, mais qui ne l'est pas encore, donc qui va devenir vraiment quelqu'un de très important, duc et pair. Et là, c'est le plus que Pascal puisse faire, étant donné les principes qui sont les siens, qu'on a rapidement résumé tout à l'heure. C'est le plus qu'il puisse faire pour apaiser la violence de la force, pour éviter qu'elle s'exerce avec une trop grande brutalité. Ce qu'elle pourrait faire, au nom de ce qu'on a déjà vu. Mais, bon, obtenir que le jeune homme ait conscience de la nature exacte de son pouvoir, et donc qu'il l'utilise pour ce qu'il est, vous êtes un roi de concupiscence, donc donner satisfaction à la concupiscence. Alors le mot nous parle peut-être moins, mais la concupiscence, c'est le désir des autres. Vous avez les moyens de leur donner telle et telle chose. Pourquoi quelqu'un qui a des grandes responsabilités, qui a du pouvoir, a autour de lui toute une cour? Ben, évidemment, parce qu'il a les moyens de donner de l'argent, des biens, des postes. Donc il dit, ben, faites-le, donnez. Comportez-vous en vrai roi de concupiscence. Donc, c'est une tendance, qui est une tendance des Augustiniens. On la verrait ailleurs que chez Pascal aussi, on la verrait chez Pierre Nicole, on la voit aussi chez les moralistes de la même époque, chez La Rochefoucauld. C'est de faire en sorte qu'une société fondée sur la lutte des amours propres arrive à être plus civilisée, à être plus honnête, ressemble plus à un commerce d'honnêtes gens. Mais simplement, l'injustice fondamentale est toujours présente. Oui, mais là, c'est un Pascal extrêmement moralisateur qu'on entend dans ce cas. Ce qui surprend avec son pragmatisme, son réalisme, voire son machiavélisme, de dire, voilà, les choses sont ainsi, acceptez-les, soyez, exercez votre pouvoir le mieux possible. Et de l'autre, mais quand même, essayez de rester honnête. Oui, voilà. C'est là où il n'est pas complètement machiavélien. Non, il n'est pas complètement machiavélien. Je crois qu'il ne l'est pas du tout, d'ailleurs. Il ne l'est qu'en apparence. Il essaye alors d'être quelque chose qui ressemble parfois à machiavélisme. Il essaye d'être réaliste. Il essaye de désigner vraiment les protagonistes tels qu'ils sont. Et donc si on revient un petit peu peut-être au texte que vous nous avez fait entendre à la fin de la 12e provinciale, il rajoute un élément par rapport à ce qu'on avait dit, parce qu'on a très bien compris pourquoi il était important pour le peuple que la force soit respectée et que la force empêche les désordres et les guerres civiles. Mais pourquoi diable la force se soucie-t-elle d'apparaître juste? Car avec des pensées telles que celles-là, il suffirait que la force arrive démasquée et dise « je suis force, obéissez-moi ». Pourquoi faut-il que le roi de concupiscence dise « mais je suis roi, un point c'est tout, vous m'obéissez ». D'où vient cette espèce de malaise de la force qui ne s'assume pas complètement, voilà, parce qu'elle revêt le masque de la justice, qui n'en est pas une. Et je crois que ça, c'est très intéressant, parce que Pascal essaie de le penser aussi. Et il ne pense pas que la force a tort de chercher cette apparence de justice. Il faut qu'il y ait une sorte de rencontre entre les deux. Et là, on revient au texte liminaire, au texte très célèbre qui ouvrait notre émission. Si la force et la justice restent séparées, ça va dysfonctionner. Alors, Au regard de ce qu'on vient de dire, on ne comprend pas pourquoi. Car dans une pensée strictement machiavélienne, la force pourrait s'assumer comme telle. Et dans la pensée pascalienne, non. Parce qu'en réalité, moi c'est un point qu'il faudrait rajouter, la véritable force pour Pascal, c'est le nombre. C'est la pluralité, ce qu'il appelle la pluralité. C'est la source abstraite de toute force. C'est de représenter plus de nombres. Et donc, même les forces instituées, même le roi, pour son époque, n'est roi que parce qu'il représente une sorte de force numériquement plus grande. Or, la force, disons, le nombre, lui, donc la source véritable de la force, est manipulable. Et il y a toujours un risque, c'est que le nombre se rende compte qu'il est en train de mettre sa puissance numérique à l'appui de quelqu'un qui ne le mérite pas. Le nombre, la pluralité, pour parler comme Pascal, s'imagine qu'il est juste. Et donc la force a absolument besoin que le nombre s'imagine qu'il est juste. Et alors pourquoi le nombre s'imagine-t-il qu'il est juste? Si la justice elle-même n'est que l'autre nom de la force, n'est que le déguisement de la force. C'est un malentendu. C'est-à-dire que les... Mais l'idée ne leur est pas... Les hommes obéissent aux lois parce qu'ils croient que les lois sont justes. Or, les lois ne sont pas justes. Pour Pascal, les lois sont les lois. Et on doit leur obéir parce qu'elles sont des lois. Mais elles arrivent à être des lois parce qu'elles sont fortes. Et elles sont fortes parce que le nombre est derrière elles qui s'imagine qu'elles sont justes. Mais comment expliquer ce désir de justice qui perdure quand même? Alors, quand bien même celle-ci est démasquée. Parce que la force perdrait l'appui du nombre s'il apparaissait que les lois sont injustes. Donc c'est un alibi finalement, la justice devient un alibi au service de la force. C'est cette étrange et longue guerre dont parle la fin de la 12e provinciale qui montre une sorte de dialogue de sourds entre les deux. Et Pascal y revient, il en reparle dans les pensées. On verrait la violence d'un côté et la justice de l'autre. Il renvoie dans les pensées à cette fin de la 12e provinciale. Il met en note fin de la 12e provinciale. Il faut éviter qu'il y ait la force d'un côté et la justice de l'autre, car sinon on est dans cette lutte impossible où l'un ne peut rien sur l'autre. Et même pire que tout, la justice, la vérité, irrite la force. La force devient de plus en plus abusive quand elle a face à elle la vérité. Et c'est ce que Pascal a expérimenté dans l'histoire des provinciales, où il a vu un déchaînement policier contre toutes les personnes qui étaient du côté de Port-Royal. Donc, non seulement la justice, la force n'est pas juste, mais elle est d'autant plus injuste qu'elle a en face d'elle une véritable justice. Donc il est nécessaire pour la justice d'obtenir une certaine forme d'accord. Et quant à la justice, que j'essaye d'expliquer, mais c'est pas très facile à expliquer, visiblement j'y arrive pas. Si, vous portez très bien, au contraire. Non, pour la force, il est nécessaire qu'elle donne cette apparence de justice pour ne pas être accusée. Et cette accusation dont il est question dans la pensée justice-force, la force sans la justice est accusée. On va dire, la belle affaire que la force soit accusée, elle dira tant pis. Mais non, mais elle est accusée et cette accusation lui fait courir des risques. Fait courir des risques parce que si elle est accusée par Pascal, c'est pas grave. Si elle est accusée par vous et moi, c'est pas grave. Mais si elle est accusée par le peuple, si le peuple lui dit « vous êtes injuste, vous ne représentez qu'une injustice », ce qui est vrai, elle va perdre sa force elle-même. Pour le coup, c'est le reproche souvent adressé à la police d'avoir exercé une force de manière injustifiée, non pas forcément injuste. Oui. Alors, il y a cette idée, alors qui pour le coup est assez machiavélienne, cette idée de Pascal, que pour le bien de la force, il faut que le peuple soit trompé. Il faut que le peuple croie que les lois soient justes. Il ne faut pas le détromper. Voilà. Et il y a une pensée assez amusante qui porte le numéro 525 chez La Fuma. Et qui commençait, dans ce que Pascal a écrit, par Montaigne à tort. Et puis les éditeurs... Sachant que Pascal a énormément travaillé avec Montaigne. Montaigne à tort, et continue, la coutume ne doit être suivie que parce qu'elle est coutume, et non parce qu'elle soit raisonnable ou juste. Mais le peuple la suit par cette seule raison qu'il la croit juste. Alors Port-Royal, quand ils ont lu ça, ils disent « mais c'est exactement ce que dit Montaigne ». Donc, ils corrigent et ils mettent « Montaigne a raison ». Donc le texte est paru avec cette transformation. Mais en réalité, ce que veut dire Pascal, c'est « Montaigne a tort, de vouloir détromper le peuple. Il ne faut surtout pas détromper le peuple. Il est essentiel que le peuple croit que les lois sont justes, que la police est juste, que le pouvoir est légitime. Il n'en est rien, mais si jamais il cessait de le croire, ça serait une catastrophe. Merci beaucoup Laurent Thirouin. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste, on l'aura compris, de la pensée de Blaise Pascal. Radiohead, Karma, Police, pour terminer cette émission et cette série sur la police, donc sur France Culture, les chemins de la philosophie, où il est l'heure, plus que l'heure, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie. Dimanche 10 novembre est paru un entretien de l'actrice Cécile de France dans Le Monde. Elle y disait entre autres « Tout